La Genèse. Erke Valixar vous illustre une orte de rouge sans SCC Valixra. Aïfitement se lier. Rouge mais c'est ce ligne et bli. Jar vous est sous tes veux char au verbe. Rouge mais c'est ce naso de recier. F et Valixar vous loutre rouge mais c'est ce lit pour ta usine. En nom rasera loutre et va y veux chai 5 mondre frais d'aller laisse. Rouge mais y seul. Il fait ça, t'amusera au sujet. Robert et Tesley. F et Valixo, chez nous, qui veut. Il fait ça, le sait. Et on ne sait pas où des lignes, enfin. Et mine ayant vivé, il reste à l'ancien de si que souta. Mais si nous a osé l'outa, reste à le don de nos éloutailles. Cruche, et on ne devrait s'ouvrir, enfin. C'est mon son de 500, mais sur le même nom, ma effort avec nos bras et l'outil. Et la lochine avec moi le tropique, ma et l'outil, et nos désouvrages. Oh, mon fils de jeu. Et la lochine, mais si qu'on m'y n'a et l'outil, poussé. Et la ici, nous a osé l'os. Et ma la danse au péloché, ni me dé. Et si c'était juste à louver. Et la laissé moi. Veille, mais plumé. Et ça, Israélien, inébélogie. L'âme fait l'âme à Erkelier. Eugène de Jamila à Erkelier. Jamila Samol contre Erkelier. Laisse nous s'unore si tu es périloutaï. Réa d'Alouta, c'était à vous. Laisse nous aouzou. Réa malonça au bout d'un marguerite. Sans le mensonge ordonnaï. Jamila Krona à Molonzeuf. Tu sens disgué. Ce qui veut idée, c'est mon son sans cache. L'histoire est louche des listes, c'est le dominazé. C'est vraiment le serait à le javo, c'est avec moi des feuilles. Il sait, il fait ça, le sait. C'est mon fils de vraiment le serait à le javo, c'est avec l'histoire est c'est le dominazé. C'est mon son sans cache en vivo, minazé, dit une heure près à le. Il sauf 19. Je mets un seul ifus. Ma dame, je n'irai pas au sud. Et alors, si je dis que nous sommes à oser le guet, et mal à doser les six forêts, on veille, je dis que nous et ça, on vit dans une des béliers. Et bien, ce qui veut idée. C'est un os, aux oser le guet, ils sont erglés. C'est mon sang de sang, la chaise, ils leur posent le. On vous moule à l'hiver, on se met à se louper. On sait qu'on regrette qu'on a l'arche. Mais si on m'a mal fait, on serait à la slovie, on s'est osé. On l'a déjà mis en vie, on m'a mis à l'hiver, on s'est reposé. On croit qu'il ne s'est pas. On s'est mis à l'hiver, on s'est mis à l'hiver, on s'est mis à l'hiver. On s'est mis à l'hiver. Mais tel qu'il va drainer, il allera de se frotter. Il allait toujours et viser trop. Rien qu'à lancerait une autre laisse, sinon ma main fait loin du mêlier. La haute des hélices au pifu. Il allait viser trop pour d'un homme frôlé. Toujours et viser trop pour du mal. Le mini grand pour le bois du feu. Ça fait fifa le sait. Et la règle des îles, et la ici dans ma maille flottille. Et la zélé, rouge île. Vous essayez, moi t'es les crames en nuit, se devrait s'irrer. Une aile de vin rouge, le rap est s'irrer enfin. Et la ici dans ma maille flottille, faux serait une île de bras, et de. Ils sont fichés. Je les ai appris les fesses, pas qu'un mira au sud. On était à l'os qui veut aider. C'est mon sang le sang cache, même nom sans me soleil neuf en riche du four brasé. C'est mon sang le snergal de tropique, trêve brel, moi disis d'or prétal. Bonsoir, bonsoir. Alors Ce soir, vous écoutez Canal Sud, Canal Sud de 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui commence. Il est 21h passé, c'est donc l'heure de l'émission Nuisance tous les vendredis de 21h à 23h. Sauf qu'en absence de l'auditorat. En ce jour saint du Seigneur, on va faire de la belle et grande musique pour vous tous. On va commencer par faire un truc bien chiadé, un peu grave à sacher, avec un cocktail de G-Boss et de glitch un peu, en travers toujours de la glotte. L'émission Nuisance, on s'éclate. On aime bien s'amuser. Thank you. Thank you. je... Bien, bisous. Tous nos amis. Thank you. Thank you. Thank you. mort on apporte à la terre. Ce que la terre nous donne à la vie. Essences éphémères, lactées, lactéoles, le lit, craquelé du parquet, non, je suis pas d'accord. Oyez. Vous avez trois choix qui se posent à vous. Soit vous regardez la télévision des teubés, soit vous sortez pendant l'orage, soit vous éteignez cette télé. Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. Vous avez bloqué. Vous avez maintenant 30 secondes pour trépasser, trépasser, encore une fois, encore une dernière fois. Il vous reste une chance de ne pas continuer. Satan Cupide. Cupide divin. Satan. Piaf est empâté. Empâté en direction du patois. Le patois se piaffant, toujours d'instant en instant, chavirant les synapses sous-territoire de l'absconce. L'absconce inadversité. Non à la mort, adversité à la vie, oui. Dans le collimateur, des décombres nous encombrent. Gloops. Jetant l'ombre. Attends, sois peu. Mourir. Au civet de lapin, au pruneau. Au civet, mon civet, mange mon civet. Passe-moi le lapin. Abordez le sujet, monsieur. Qu'avez-vous dit ce soir-là, à 22h25 sur les ondes du canal Sud 92.2 FMI1, Hertzien, Toulousien, Francien, Terrien, tout ça quoi. Qu'avez-vous dit ce soir-là, à 22h26 sur les ondes du canal Sud, Association Libre ou Mourir, Radio. Qu'avez-vous dit sur ces ondes, ce jour-là, à 22h26 et 20 secondes, 21 secondes, 22 secondes, 23 secondes, 24 secondes, 25 secondes, j'attends. Tout collecté, nous avons tout collecté. Tout collecté, nous collectons les données, nous enregistrons, nous archivons, nous classons. Qu'avez-vous dit ? Rangeons. Répétez-le. Nous collectons, nous classons, nous rangeons. Nous avons les données. Nous diffusons, nous gardons, nous conservons, nous regardons. Nous avons les enregistrements. Nous épillons, nous épluchons. Qu'avez-vous dit ? J'attends. J'attends. Ah, Satan, fais-moi le malin maintenant qu'il a oublié ses papiers à la maison. Satan, vous nous prenez pour qui, monsieur ou madame ? A-t-on vérifié votre genre à votre naissance, au moins ? A-t-on regardé entre ses jambes molles et flasques et gluantes de sanguinolente merde ? Non, je vais vous le dire pourquoi. Vous n'êtes pas né. Vous êtes du poisson pané. Non, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas dire ça sur un être humain à propos. Non, je suis une merde. Oui, je le reconnais maintenant. Je m'appelle la merde. Heureusement qu'il y a... Heureusement qu'il n'y a pas... Heimlich en défaveur du 40 Alfred Duméril toulousien. Bruitage Samunolo. Samuosique. Sointant, sanguillonnant. Ça va. Sonnance et trébuchante. Soulagement. Samuesque. Samuel. Samufiel. S'amuse la solubilité, tu sais. Mon cuissi danse d'ordinaire en calcul rénaux, de calcul rénaux, en calcul rénaux. Calcul, Renaud, calcul. Nous abandonne pas dans ton alcoolisme, Renaud. Je ne suis pas mort. Pas mort. Tu n'es pas mort, tu es ariégeois à présent. Entends-nous, Renaud. J'ai ma cirrhose. Ta cirrhose te fait aigrir. Cirrhose, ma cirrhose. Mais tu n'as rien à dire, bonhomme. Tu ne parles même pas de ton caca le matin que tu fais après la clope et la cocaïne caféiénée. Non, monsieur, la Colombie n'est pas loin. Non, madame, la Colombie n'est pas loin. Elle est près, elle est proche de vous. Elle est dans votre rue. La Colombie est là. Oui, elle est lasse. Et les éclairs en surface de ces lacs. Oui. We are the big footer de merde. Cardioïde. And we are the footer de merde. Tu l'es. We are the footer. Ouais. We are the footer. Ouais. Vive le foot de merde. Jusqu'à la fin. Sérieux là quelque part dans le monde, qu'il se montre au 05 61 53 36 95 ou qu'elle se montre la sérieuse au 05 61 53 36 95. Il vous reste encore une chance de ne pas vous rater. Nuisance. Il est 22h30. Le vendredi, entre 21h et 23h, nuisance. Salut, paye et salut. Allez, paye et casse-toi. Dégage maintenant. Allez, comme ça. Allez. Paye et dégage. Paye l'aumône à ton dogme, crétin. Je dis ce que je veux d'abord. Parce que crétin, c'est pas une insulte. Ok ? Crétin, c'est. C'est un état. Excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Carrément, je suis entièrement d'accord avec cette langue. Je ne comprends pas un mot. Ouais, je sais, c'est terrible. Ouais, coucher le chat, ouais. Merci. Coucher le chat. Ouais, pourquoi pas. Je me couche. Je suis un chat. Miaou. Absorber les troubles psychologiques de son. chat. Regardez-le, regardez-le bien. Et voyez ce qu'il y a dans vous. Et sorti enfin dans votre chat. Maintenant prenez votre chat par la gorge et... Sacrifiez-le à la bonne cause, le crétinisme. Pour tous et toutes qui veulent s'inscrire à la religion crétine, de toutes les dogmatiques... irréligiosité dédaigneuse de l'autre altruité que l'on peut trouver sur Terre à part la sienne, eh bien, inscrivez-vous donc en envoyant plein de fric. Merci. Plein. Ouais, ouais. Merci. Merci aux... d'avance. Aux milliers de milliardaires français. Merci. Ouais. Merci. Merci d'avance pour votre... connard. Pour votre... Et connasse, d'ailleurs. Égoïste. Mal propre. Mal propre, carrément. Vous êtes mal propre, ok. Ouais, regardez-moi pas parce que vous écoutez même pas ce que je suis en train de dire. Alors ça sert à rien que je vous explique. D'ailleurs, vous avez compris, ça me va très bien, nuisance. Vous êtes malade, vous écoutez de la merde. Des malades pathologiques. Et vous vous rendez même pas compte, vous êtes monomaniaque. Vous écoutez de la merde en passant comme ça dans votre trottoir caniveauesque. Hein ? Et tu te rends compte seulement ? Pour rentrer dans vos maisons de merde. Est-ce que tu te rencontres seulement ? Le matin, dans la classe. Salami. Méfie-toi du salami. Ouais, grave. Merci, salami. Je suis merci, grave. Salami. C'est grave d'être un salami, quand même. Grâce à toi, mes échecs sont meilleurs. J'avoue. Ouais. Tes échecs sont des réussites grâce à moi. Je sais. Je ne suis qu'une merde. Merci. Passons à la prière suivante. Es-tu damné par l'enfer ? Oui, regarde-moi, je suis un pauvre con. Je sais. Ton sort n'est pas enviable, mais le mien non plus. Voilà. Tu chantes et tu danses. C'est bon, bon. C'est bon, bon. D'être. C'est bon, bon. D'être. C'est bon, bon. D'être mort. D'avance. Séquence actuelle, c'est une séquence qui dure à peu près 45 minutes où on répète tout le temps la même chose en déblatérant des âneries toutes aussi insatiables les unes que les autres et insipides. On le rappelle bien, Nuisance n'est pas une émission de déblatérance. Nuisance est une émission sérieuse où le discours est inatrophiant aussi boulot, c'est-à-dire cultivant ou culturant même. Culturant quoi, on peut se le demander, c'est justement la question de ce soir. Question. Non, merci. Ciao. bébé. Eh oh. Je t'ai pas payé pour faire de l'amour. Je t'ai payé pour répondre à mes questions. Et qu'est-ce que tu crois que c'est ça? Hein? C'est pas ça peut-être? Tu comprends quelque chose à ce que je te dis? Je suis la réponse à ta question, mec. Réveille-toi. Tu entends ce que je te dis? Réveille-toi. Allez, débile. C'est la réponse. Connard. La réponse qui te parle. Allez, mais réfléchis. Tu l'as. Je ne sens plus la question. Tu l'as, trop mais con. Tu veux la nier. Cette réponse. Tu veux mourir? Je suis là. Tu veux mourir? Allez, vas-y. Fait mal en levant la biture. On ne peut compter le nombre de fois par jour. La biture fait mal au coude en se levant, en étant levé au-dessus de la teuté pour se rincer les cheveux de rebiet, et tout ça en regardant le soleil d'été. Connard. Celle qui bat le beurre en Stécasie. Mais c'était caché. Merci, cardinal. Mais Richelieu ou pas, tous les riches sont pauvres en lieu dit. Car les petites maisons ne font pas les grands bourgs. Merci, oligarque. Oligarche. Oligarche. Ouais. Vivons 14 en autarcie, mes frères et sœurs. Ils vont seuls dans notre coin, en autonome, sur la planète, ou sous la planète même, pour ne pas encombrer ses surfaces. Gaïa, la grande, la belle, la Terre. Mon ami, la Terre, est morte ce soir. Paix à son âme, Prout, il n'y a plus d'air, je n'ai plus de quoi respirer, je m'étouffe avec ce discours inconcepté. Je meurs, écoutez-moi, là, le nuage hydrogénéisé de Zyklon B, anure cyanhydrique. Cyanure d'hydrogène. Anure cyanhydrique en plein dans ma face. www.gouvtravail.fr Comme commercial. Merde. En tout cas, l'anure cyanhydrique, c'est pas pour n'importe quoi. Ça vous pute. Ça vous pute. Et vous savez pourquoi ils font ça? Pour nous buter. Parce que eux et elles, ah ouais, on ne parle jamais de eux et elles. Et ben ces gens-là, c'est pas des gens, c'est des reptiles. Et des reptiles avec des secondes peaux parce que c'est des bâtards, des mulâtres. C'est même pas des vrais reptiliens. C'est des faux reptiliens. C'est des rats. Ces rats qu'on a mis en cage, ils leur donnent des petits poils de petits gris, et on les met dans des bois à Bugarache, et les gens ils prennent des photos dessus, et ils montent dessus, et c'est ce qu'ils font après avec leurs poils de petits gris à Bugarache, dans la radioactivité japonaise de Fukushima, là où les Japonais sont venus faire leurs photos pendant que les keufs les regardaient en rigolant, parce que tous les Nyakwe se ressemblent, hein. Vive la France, Zig! Eh bien non, je ne tomberai pas dans le fascisme inconséquent de la déblatération inconsistante. Pas ce soir, non. Pitié. Attention aux pesticides. Attention aux pesticides. Au rage, au désespoir. Il cite ce mec, putain, mais il arrête pas de cider. Hein. Putain, il sait pas parler sans cider, ce que mec, quoi. Putain. Au rage, au désespoir, au vieillissement. Parole calcinée. Parole calcinée. Du sang. Du sang. Oui, du sang. Plein de sang. Oui, du sang. Du sang rare, allez, vas-y. Du sang. Du cendre argenté. Du Beaujolais nouveau. Du cendre vérolé. Vas-y, détruis tout, casse tout, vrille tous les câbles de ce studio de merde. Canal Sud, on s'encule soi-même parce qu'on est trop... C'est pas de ma faute si la section est assez souple. C'est trop. C'est pas de ma faute. La vrille est trop tentante. C'est de ma faute. Trop tentante. C'est tout de ma faute ici. Pourquoi des câbles de 0,5 mm de diamètre? Et j'ai mon niveau de CAP de responsabilité, hein. Je peux reconnaître jusqu'à un niveau 2,5 de responsabilité en habilitation responsable. T'as un canif? J'ai pas de canif, j'ai pas la responsabilité 3. J'ai la responsabilité 2. Alors comprends-moi bien. Je veux bien jusqu'à 2,5 au black. Mais j'irai pas jusqu'à la responsabilité 3. Ça, non. Je refuse catégoriquement de te filer mon feu vital pour que tu allumes ta clope vitale dans un magasin de porcelaine vitale où tout se casse par des éléphants. Sont cassés, les éléphants, dans le nez ou la trompe, te trompe pas là, sur la question. Parce que la réponse, c'est moi. Vous écoutez Canal Sud ? Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net ? L'émission Nuisance, la radio Canal Sud. Le slogan de Canal Sud, Radio Libre ou Mourir. Slogan de Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. L'heure de l'émission Nuisance et le jour de la semaine où l'émission de Nuisance, Nuisante, sera diffusée. Sera et est toujours en abondance le vendredi de 21h à 23h, tout le temps. De 21h à 23h, à part peut-être avec un peu de retard ou un peu d'avance des fois, quand on part en avance ou qu'on revient en avance en retard, je veux dire toujours la même chose, c'est que c'est pas vraiment consistant que conséquentiel. Aussi la même chose que le code langagique ne pose pas de hic ni de hoc ad hoc, c'est-à-dire jusqu'à la fin, ad libitum, ad infinitum, puisqu'on peut presque imaginer un infini quelque part. Excusez-moi, j'ai rigolé. Tout ça en pensant donc à mes inaccessibilités et au nettoyage qui se trouve derrière le bar salle expo. Cendre dans cendrier, mégots filtre et chewing-gum dans poubelle. téléphone le 05 61 53 36 95, une adresse postale le 40 rue Alfred Duméril, 31 400 Toulouse, en France. Nous sommes le vendredi, je ne sais combien, 2016. Entre 21h et 23h, c'est l'émission Nuisance qui bat son plein. Il y a des gens ici sur Terre qui font la fête, et ben Nuisance, voilà. Non, c'est pas le cas. La fête, c'est pour les apaiser. Selon moi. Ça n'engage que moi. Apaiser. Prout. Je me happe du P de l'univers. Je retourne sur les 40 056 km aligné de cette putain de circonférence. Saleté. Frustration donc, mes chers confrères et consoeurs, vous m'avez bien compris, n'est-ce pas? Oh, excusez-moi, je suis un peu tôt, et j'ai mangé beaucoup de bigorneaux hier soir. Mes chers confrères et consoeurs, je suis ici pour vous parler de beaucoup de choses à la fois. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont réussi leur vie, ils ont plein de fric. Plein de fric. Une maison, une voiture, des pommades pour la circulation en faveur de l'élimination, de l'épuration même. Des jambes lourdes, oui. Ils ont réussi leur vie, ils en sont sortis de la fange humaine. Ce sont des stars, des semi-dieux. Ce sont merde, ce sont... Je suis un piédestal pour les dieux. Je suis une merde, mais au moins je sers à quelque chose. Sans le syngaïacoïde, cancérigène. Ouais, je suis cancérigène. Merci mon maman et merci ma papa. Ça gonfle. Maman, merci maman. Merci, je t'aime pas. Salut. Foutre. C'est bon. Foutre là. Nuisance. Allez. Le foot, on l'encule. Le spermatozoïde sur les droites, remonte à la surface. Oui, passe décisive, Oui, c'est le but dans l'ovaire, Les enculés, les pédés qui regardent le foot. C'est des pédérastes, des pédés qui regardent le foot, des enculés. Les enculés, c'est des PD, les enculés de foot. Les foot, c'est des gros. Mais les gendarmes étaient là pour veiller. Les gendarmes, ils sont payés par le foot pour fermer leur gueule, et boire des bières. En cachette, parce que c'est interdit d'être un keuf et de boire des bières. Dans le camion Renault de l'ancienne époque, avec des armures de cyber-robots meurtriers, bande d'enfoirés, fais ton travail, démissionne, le démiurge, démissionne, Stan, démissionne, tiens, crève, démissionne, va crever, démissionne, démissionne, démissionne. Avec ton bouclier. Démissionne. Démissionne. Et des grenades. Démissionne. Des bouts. Démissionne. Bouclier. Démissionne. Des boucliers. Démissionne. Des démissionne. Des boucliers. Démissionne. Démissionne. Des armes. Démissionne. Démissionne. Démissionne. Vision. Démissionne. Des battes. Démissionne. Des bottes. Démissionne. Démissionne. Démissionne. Démissionne. Buté. Démissionne. Démissionne. Buté. Démissionne. Buté en buté. Ouais. Ouais, c'est trop la bonne ambiance, l'atmosphère, la présence. Sarah, ça représente ta mort. T'as vu, on représente, Canal on est sud, là. On est bon, de... on est fier, on est honorable. On dit papa, maman, on vous bleu, aime. Bleu. Et mon enfant, je l'aime parce que je l'ai mis au monde. Et ma maman, et mon son papa et tout. Bah, sa maman, elle a souffert, mais c'est pour le bon Dieu. Le bon Dieu, il a fait les mamans pour souffrir et les papas pour se dandiner la bite en tapant de la cocaïne basse tous les soirs, en se tapant des putes à 50 euros, même pas de luxe, qui ont le das et qui en ont rien à foutre de crever parce qu'on les a frappés de leur vie, on a dit que c'était que des putes et les mecs, c'est des connards. Nous, on aime ça, la vie, t'as vu? Et qui mettent leurs mains au niveau de leur chatte pour pas se faire pénétrer. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait deux fois ça. Qu'on me le dit, on l'avait déjà dit. Ouais, c'est ça. Et c'est la dernière fois ouais. Qu'on me le dit. Ça. C'est sale. Ouais. Alors, si quelqu'un a un problème avec le trash, eh ben, je sais pas, sortez vos poubelles. En faisant le tri. Cri, cri, cri. Lion. Je suis pas ton père, Luc. Dis ton cousin Germain, je ne suis pas ta famille, Luc, ok? Laisse-moi crever maintenant. Je meurs. Barre-toi. Analyser, ranger, archiver. Calculer, classer, ordonner. Tu es mort, Luc. Je suis toi. Prier. Tu es mort, Luc. Je suis toi. Et je le sais. Tu es déjà mort. Et tu es une femme. Tu es une femme. Tu es une femme. N'est pas la solution. Tuer les femmes, c'est la solution. La solution finale. Éliminons la race humaine, tuons les femmes. Éliminons la race humaine, tuons les femmes. Mais c'est ça le mythe de la domination. C'est tuer les femmes pour éliminer la race humaine. Je suis pour, je vote pour. Sucette dans l'ambiance. Oh, oh. Sucette dans l'ambiance. Démocratie. Sucette dans l'ambiance, négro. Démocratie. Vas-y, démocratie, s'il te plaît. Vas-y, démocratie, s'il te plaît. Bof. Vas-y, j'ai voté, c'est plus bon. Tard, non, maintenant, tard. Vas-y, j'ai voté, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai voté. La loi, c'est la loi, je vote. Il me faut ma putain de décision. Alors, vas-y, ça on va, élimine. T'énerve pas, on est en démocratie. Ouais, c'est vrai, j'avoue, excuse-moi, la liberté et tout, je m'y perds des fois, tu sais. La prison, je préfère, parce que, tu sais, je fantasme à donf dessus. Je préfère largement fantasmer sur la prison que de vivre en liberté. Hein. Ben de vivre oui. En liberté à fantasmer sur la prison, c'est pas possible. Portable, en prison, ben, toi. Avec merci, un cellulaire. Sarkozy. Eh ben on sent l'air, on se sent plus libre. C'est pas comme si on était tous dans des boîtes quoi. Nomophobie, j'ai plus mon téléphone portable, j'ai plus mon Android. J'ai perdu mon nez, nosophobie. J'ai plus mon abonnement 4G. Ton abonnement 4G? Ah merde. 4G plus. Arrête, tu vas me faire pleurer, arrête. Non, fais pas ça. Non, t'énerve pas. Non, me frappe pas. C'est pas mon nom. Frappe-moi, d'accord. Ça marche. Oui, donc comme vous pouvez entendre, c'est bientôt 23h. On entend au coup de sourire dans les propos qu'on est en train de tenir. Parce qu'on est là, putain, en fin de bordel de merde, on va pouvoir se barrer de cette radio de ouf. De ouf. C'est une radio de ouf ici. Ils sont tous barjots. Ils craquent tous. On les entend craquer dans les couloirs. Les murs sont gris bitume. Ouais. Ça sent l'urbain, l'underground. Ça sent la sauce. Ça sent... On vous parle même pas des radiations. Bordel de merde. Il nous reste 30 secondes pour quitter le lieu. You now have 10 seconds to reach minimum safe distance. You now have 9 seconds to reach minimum safe distance. You now have 8 seconds to reach minimum safe distance. 7 secondes pour atteindre la distance minimale de sécurité. Vous avez maintenant 6 secondes pour atteindre la destination finale. Il vous reste 5 secondes pour mourir. 4 secondes, 3. Oh, j'ai loupé 2 secondes, excusez-moi. excusez-moi, c'est fini, boum, vous êtes mort. Bienvenue en enfer, à gauche, les femmes, à droite, les hommes. L'enfer, c'est la ségrégation. Ou quoi? L'opium du... Ouais, du pape. Popolos. Ouais, du pape Rasta. Rasta... Popolos. Ouais, Rasta, le pape Rasta, tu sais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, Popolos. Ouais, ouais, depuis qu'il se laisse pousser les locks, ça lui va vachement bien. Carrément, depuis qu'il taille les vannes aussi, hein, je trouve. Mm. Ça lui fait un teint un peu blafard, qui va plutôt bien avec sa bure hein, blanche, une burne. Sa burne blanche, pardon. Il y a des bonnes technologies d'UV maintenant. Ouais. On arrive vraiment à avoir... des trucs, hein. Un bronzage... bronzer intégral sauf sur la face parce qu'on veut pas être un pape bronzé quoi. Donc, voilà, pas exagéré. C'est vrai que les tatouages sont mieux quand ils sont cachés. Vers la bite, la zone de la bite. La bite qui fait pas le moins non plus. On peut pas croire tout ce qu'on dit. Moi je pense que Jésus avait des tatouages. Tu vois. Ouais, Jésus avait un tatouage ben, anal, c'est connu. Il fallait lui faire un examen proctologique pour s'apercevoir qu'il avait maman je t'aime au fond du trou de balle tatoué quoi. Avec une grande lumière. Surtout une grande lumière. Une énorme lumière. Découvrant l'obscurité du mystère dense. Absolu qu'était en fait l'anus Blafard. De Dieu. Je sais, que possédait Jésus. Oui. Jésus avait l'anus de Dieu. De Cléopâtre. Il faisait des cacas fossiles en or qui existent toujours. Il y en a 12 répertoriés. Ah, avec les 15 autres. Cachés. Dans les pyramides. Oui, je comprends mieux. Ne dis rien, tu en as déjà trop dit. Ouais, c'est ça, ça sonne bien ça. Fumier. Non mais sérieusement, il est 23h et on va pas supporter une ambiance pareille pendant aussi longtemps. Hein. Ah, parce non, parce que la radio Canal Sud, c'est cool. Mais par contre, Nuisance, c'est vraiment une émission de merde. Hein. Les gens là, ils posent des ambiances sonores, c'est genre coloration, éclairage et tout ça, et ils déblatèrent des âneries pendant une demi-heure. Moi, je suis pas forcément d'accord, d'ailleurs, qu'ils aillent tous se faire foutre, d'accord. Parce que l'auditorium, le client n'est pas roi, ok. Le client, c'est pas un roi, le roi n'est pas client. D'ailleurs, j'encule les clients, j'encule les rois, t'sais. Donc c'est très clair. Bon, alors, vous n'êtes pas client, vous n'êtes pas roi, donc moi non plus. Voilà, on est d'accord. On est à peu près sur le même terrain d'entente, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà. On peut à peu près se mettre d'accord sur ce fait-là. Nous ne sommes pas d'accord. Donc, à part ça, on peut carrément déblatérer de putain de conneries ici, quoi. Donc, c'est putain cool, en fait. Merde. Monarche. Carrément. Moi, je suis monarchal. Monarche. How? Et à ce sujet, je vous rappelle qu'il est interdit de fumer dans les locaux publics du monde entier. Sauf ici. Parce que le monde et sa diversité culturelle s'est mis d'accord sur faire une loi pour tous et toutes. Donc tu ne tueras point, ça on s'était mis d'accord déjà il y a un moment. Mais on sait jamais, on le rappelle quand même qu'en temps de guerre on peut quand même buter et violer quoi. Et l'inceste. L'inceste carrément. Si t'es un bourgeois tu peux le faire. Parce que t'as le droit en fait, t'as du fric alors tu peux faire fermer la gueule à un keuf. Par contre si t'as pas de fric, t'es un peu mal, tu vas te traiter de consanguin quoi, c'est un peu con. Tout le monde connaît la mutation génétique. Exactement. Est un fléau sur cette planète. Ouais, et tout à fait, oui. Il ne faut pas hésiter à donner des dons à plein. Nos technologies génétiques. Ouais, donc, si vous tenez absolument à soutenir la cause technologique, envoyez. L'organisation. Ouais, l'organisation technologique. Extraterrienne. Extraterriennologique. Ça sonne mieux avec logique. Je t'ai dit merde, le micro était ouvert. Attends. Oui. Je vous entends. Oh, j'entends les voix des extraterrestres qui me parlent. Madame, oui. Nous sommes en Monsieur, contact oui. avec le SETI. Nous y sommes. Nous y sommes. le grand Seti nous parle. Voilà. En direct du Massachusetts. La masse de chaussettes. Bah, je sais pas, fait molle, la molle, chaussette molle. Oh, est-ce que le chocolat, ça, ça n'existe pas. De chaussettes, nous avons entendu un écho. Messieurs, dames, nous avons entendu un écho. Blafard. Depuis 1983, nous avons entendu un écho. Deux échos. Deux échos. Trois échos. Deux échos. Zip. Fichier zip. Ah, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Non, je pensais plutôt Ziploc bag. On va mettre cette histoire. Entre parenthèses. Dans une pochette surprise. Et la faire exploser. Nous vous inviterons à consulter du bout de votre pied ce sac plein de mammouths. Ou plutôt, enfin, l'excrément de mammouth. Dégelé pour vous ce soir en direction du Groenland pour à jamais rester dans la glace. Je sais, c'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse le zéro. C'est pas dégueulasse le zéro négatif. C'est l'excès de chaleur dans les pays où il fait chaud qu'il y a de la moisissure et de la merde. La merde. C'est là où il y a des maladies. C'est là où sont les malades. C'est là où sont les malades. Ils nous volent notre travail. Moi, je voulais être malade cette année. Et on me dit, non, si tu veux choper le DAS et crever, parce que t'auras pas la trithérapie ou une trithérapie de merde qui va te bouffer le foie, il faut aller là-bas. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je veux mourir ici. Moi, je suis né ici, moi, dans mon pays natal. T'as deux jours pour te remettre. Attention, ton ongle, tu vas le casser. Moi, je me ronge les ongles. Merde. Avoir de la... Enfin, c'est moi la merde. Avoir de la crotte sous les ongles. Avoir de la crotte sous les ongles. Doit être sonore en finalité. Grave, grave. Mais on leur a dit, ça fait deux heures qu'on leur dit, ils entravent que dalle. Personne n'a appelé au 05 61 53 36 95 et personne nous a consulté sur le www.canalsud.net. Ouais, il est 23h05 et vous écoutez Canal Sud, la radio Libre Mourir. L'émission c'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. De lenteur. Allô, messieurs, dames. Allô. Est-ce qu'il y a encore des auditeurs? Allô. Il y a quelqu'un? On a fait un massacre, en fait. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'on a saccagé les oreilles des 120 personnes qui nous écoutent actuellement? 120 000. 120 millions de personnes. 120 millions de putain de personnes nous écoutent. Je te le dis, moi. Les bras. Chiotte comme une banane. Je veux inviter les 33, 33e. Ah ouais. Je vais inviter pour une conférence. Ceux-là ? Oui, eux. Ils. Ah. L'ensemble des. Oh. Elles. Elles aussi. Mais pas Y. Enculé. Défoncer les micros à coups de latte. Wow. À coups de... On va rentrer au bercail, hein. Ouais, on va défoncer les lattes à coups de micro, plutôt. Hein. C'est ce que je veux dire. Non, je rigole. Tu veux passer la bière, s'il te plaît? Parce qu'on a le droit de boire, on n'a pas le droit de fumer, c'est tout, ici. En fait, c'est une bière, ça ne doit pas excéder 7 degrés, voilà. Bah, on est à pied, on s'en fout. C'est la loi. La loi? 7 degrés, pourquoi? C'est interdit dans un studio. Ah, c'est vrai. Parce qu'en fait, ils jugent que... Plus, voilà, c'est trop dangereux. Limite, dans le Schnorr, ils peuvent se permettre 7-2, 7-4. Tu veux dire que si t'as une bouteille de vodka... Non, ça ne peut pas. Ah, tu peux seulement diluer ta vodka dans du coca pour avoir 7 degrés à peu près, quoi. Toujours rester à 7 degrés. Il faut rester sobre, quoi. Tu peux avoir 4 litres de vodka en couper au coca pour que ça fasse 7 degrés, ça c'est possible. Et boire comme un bidon. Ouais, tu peux boire 10 litres de vodka orange si tu veux. Tant que c'est à 7 degrés, ça va. Par contre, tu bois une 8-6 à 7 degrés 2, ça va, c'est pas. Vas-y, bois. Hein. Non mais laisse-moi faire. Je vais te montrer comment on fait. Le droit, je passe sur la gauche, Oui, passe à Henri, Bercy. Oui, passe-moi une bière, chérie, s'il te plaît, t'es dans la cuisine. Oh, t'es assise, c'est pas grave, t'es plus près de la cuisine que moi, s'il te plaît. Passe-moi une bière, y'a un but, à bientôt, vas-y, chérie. Je m'aime. Quoi? Je te parle bien, non? T'as acheté mon journal ce matin? T'as fini avec ma mère? Sans réponse. Ô grand-père Saint-Joseph, Saint-Pierre, où es-tu avec ton cadre de bicyclette? Bicyclette, où ça? On le sait très bien, tout au fond, à droite. Au fond du cul. Et pourtant, le cubric, dans Stanley, en Rubik, ce cube. Seigneur. Ouais, passe-moi la bière. Ouais, clope. Passe-moi la bière et le tabac. Bon, vas-y, on fait quoi maintenant? Il y a after. Ah ouais, il y a after. On va faire un coup de fil, on va acheter de la cocaïne. C'est bon, la coque. Queensbridge, where everybody hurting, pockets not looking right. We came from the